Franco Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 30 mars 2023. Voici les grands titres de cette édition. 30 mars, c'est la journée internationale de lutte contre les troubles bipolaires. L'occasion pour le président de l'association Psychologues sans vacances de reconnaître que cette maladie existe bel et bien au Burundi. La monnaie burundaise continue à perdre sa valeur en ces jours à un niveau inquiétant. D'après Francis Rohero, l'explication, c'est le manque de production suffisante pour une population qui est aujourd'hui à 13 millions d'habitants. Et en actualité internationale, le pape François, hospitalisé, a passé une bonne nuit, vous l'entendrez. Alors que l'Indonésie, la FIFA refuse à l'Indonésie l'organisation du mondial de football de moins de 20 ans. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour. La monnaie burundaise continue à perdre sa valeur en ces jours à un niveau inquiétant, d'après Francis Rohero, économiste, qui a été candidat à la présidentielle de 2020. Il explique cette situation par le manque de production suffisante pour une population aujourd'hui estimée à 13 millions d'habitants, alors que le système agricole est resté le même depuis des années. Pour lui, il manque au pays une politique agricole bien élaborée dans un pays qui vit pourtant essentiellement de l'agriculture. Suivez-le. Il faut qu'on comprenne, les Burundais aujourd'hui, nous arrivons à 13 millions d'habitants. 13 millions d'habitants qui doivent être nourris chaque matin, chaque soir. Donc il faut qu'on comprenne que les habitants burundais, ce qu'on appelle les paysans en général, ceux qui ont cultivé depuis très longtemps, ils cultivaient en général pour leur famille. Il n'y a pas au Burundi un programme d'agriculture collectif qui puisse amener les Burundais à nourrir les populations. C'est-à-dire que chaque famille le fait volontairement, en imaginant qu'il va garder un peu après avoir mangé pour pouvoir vendre pour le marché et après essayer de se procurer un peu d'huile, un peu de sel. Et c'est grâce à ce surplus que les familles avaient que nous autres, nous pouvions consommer. Aujourd'hui, on n'est plus en 1960 où la population était à 2,5 millions. On n'est plus en 1980 où on était à 5 millions. Aujourd'hui, on est à 13 millions d'habitants. On doit éprouver ces genres de difficultés. Ajouter à cela la communication qui est devenue facile, que la population entend à chaque instant que la valeur de leur monnaie diminue de jour en jour. Et les gens ont tendance à majorer les prix sur ce qu'ils ont encore dans leur poche. Donc, c'est un phénomène qui va continuer. Les gens se lamentent, les agriculteurs se lamentent. Ils le font d'abord de façon amateuriste. Ils n'ont pas de houe. Ils reçoivent difficilement les engrais chimiques. Ils n'ont pas de manière, ils ne sont pas soutenus véritablement. Donc, il faut qu'on accepte cette situation. Elle est tout à fait normale. Au contraire, moi, je félicite encore les agriculteurs qui nous nourrissent jusqu'à ce niveau. Et ajouter à cela qu'on n'est pas capable d'importer parce qu'on n'a plus de devises, alors comprenez que c'est quelque chose qui va continuer, malheureusement. Francis Rohero, économiste. La maladie dite des troubles bipolaires existe bel et bien au Burundi. Parmi les signes de cette maladie, la conception de projets difficiles à réaliser. D'après Alain-Joseph Atungimana, qui dirige l'association Psychologues sans vacances. Il dit que l'année dernière, plus de 3500 patients ont été admis dans des structures sanitaires soignant les maladies mentales. Et demande à l'entourage de ne pas discriminer les personnes atteintes de troubles bipolaires. Suivez Alain-Joseph Atungimana, président de l'association Psychologues sans frontières, qui s'exprime à l'occasion de la journée international de lutte contre les troubles bipolaires, ce 30 mars. C'est une maladie mentale sévère qui se caractérise par une alternance exagérée de périodes dépressives et maniaques chez l'être humain. Entre ces deux phases, la personne retrouve un état normal. C'est une maladie qui se manifeste à plusieurs degrés. Dans le monde, on estime que 30% des patients, l'apparition de leur maladie remonte à l'adolescence entre 11 et 13 ans. Effectivement, environ 50 à 66% des adultes atteints de troubles bipolaires indiquent que les symptômes ont commencé avant 19 ans. Comme je disais que la maladie se caractérise par des épisodes dépressifs et des épisodes maniaques, lorsque la personne est dans sa phase de manie, donc c'est une personne qui présente une joie immense, une hyperactivité, une agitation, avec des idées de grandeur, mais aussi avec un trouble de la libido. Cela se manifeste surtout avec les achats, les provocations publiques, l'hyperfamilie, familialité, l'hypersexualité, la rupture affective. Et là, dans sa période dépressive, il est beaucoup avec une fatigue intense, incapacité de prendre des décisions, une tristesse intense, troubles de l'alimentation. La maladie est connue au Burundi parce que déjà on consulte les médecins dans les centres spéciaux, mais aussi la maladie n'est pas connue au niveau de la communauté parce que au Burundi, on confond les maladies mentales, surtout qu'on est au courant que toute maladie mentale est la schizophrénie. Donc, on dit ibisadi. Ce psychologue recommande au Burundi de mieux s'informer sur cette maladie qui est par ailleurs curable. Alain-Joseph Hatungimana trouve aussi que ce sont les malades qui ne devraient pas non plus s'autodiscriminer. On écoute encore. Il faut vraiment parler avec les gens, lutter contre la discrimination, la stigmatisation des malades, chercher à s'informer sur les troubles bipolaires, apprendre à reconnaître les signes avant-coureurs. Il faut se préparer aux épisodes maniaques, surtout lorsque dans une famille il y a un malade bipolaire. Il faut parler surtout du comportement difficile. Il faut chercher à trouver un équilibre entre soutien et contre. Parce que lorsqu'une famille a une personne malade mentale, il cherche à faire en contrôle au lieu de soutenir le malade. Il faut vraiment chercher à rester calme, surtout en apportant un réconfort aux plus nécessités, mais aussi il faut demander une aide des professionnels. Alors, lorsque je dis qu'il faut lutter contre la stigmatisation, lorsqu'on a un malade mental dans une famille, il y a vraiment un déséquilibre. Que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau économique, ça a des conséquences. C'était Alain-Joseph Hatungimana, président de l'association Psychologues sans vacances, qui s'exprimait ce 30 mars à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les troubles bipolaires. Il est 13h03 à Bujumbura et sur Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les habitants de la zone Mouyira, en commune Kanyosha de la province Bujumbura, usagers de la route Astrida, tronçon Kiriri sur le réseau, disent ne pas savoir si les travaux de construction du pont reliant cette route au niveau de Nyabiyorwa ont été suspendus ou pas. Ces travaux ont été exécutés par l'agence routière du Burundi ARB. Les habitants de Mouyira ainsi que les autorités administratives à la base, tous réclament la reprise urgente de ces travaux, arguant que n'avoir pas cette route, cela constitue un frein au développement communautaire. Un reportage d'Evariste Nzikobanyanga. Ce pont, dont les travaux de construction ont été suspendus, se trouve à environ 2 km du monument de l'unité nationale Siza Kiridi. En destination de ce réseau en zone Mouyira, les usagers de cette route indiquent avoir bien apprécié les travaux de construction de ce pont lancé par l'agence routière du Burundi, mais disent avoir été choqués par la suspension momentanément de ces travaux. Quand les travaux ont commencé, c'était la fête au village. Mais aujourd'hui, les travaux ont été suspendus sans toutefois savoir pourquoi. Si quelqu'un tombe malade, on n'a pas où passer pour l'amener à l'hôpital. Difficile de traverser la rivière Nyabiyorwa, surtout en cette période pluvieuse. Les élèves craignent pour leur sécurité. Il nous est difficile de traverser, surtout les petits écoliers. Nous qui sommes grands, nous essayons de sauter avec le risque de casser la jambe. La perte est totale chez les commerçants suite à l'impraticabilité de la route Astrida relia Kiriri à Sororezo. Un de ses commerçants souligne la flambée des prix des produits de première nécessité comme conséquence. Il est difficile d'acheminer le charbon à Sororezo. Un sac qui coûtait avant 42 000, aujourd'hui nous coûte 65 voire 70 000. Même le prix du kilo de riz a grimpé jusqu'à 3 800 francs. Cela fait suite à cette route impraticable. Les sources proches de l'administration en zone de Mouyira indiquent également que les pertes sont énormes suite à cette route impraticable. L'ombudsman collinaire de Mouyira, Ferdinand Bavumiragira, se dit choqué par le fait que cette route historique soit négligée. Cette route dénommée Asrida est la première à relier le Burundi et le Rwanda. Voir cette route en cette situation, ça inquiète même les touristes qui visitent notre pays. Nous demandons au gouvernement de prendre en main cette question pour mettre fin aux inquiétudes. Les habitants de Muyira et leurs administratifs à la base, tous demandent à l'agence routière du Burundi d'achever les travaux de construction de ce pont reliant la route Asrida, source de leur développement, ajoute-t-il. Évariste Nzikobanyanga a contacté à ce propos le directeur général de l'agence routière du Burundi qui a fait le déplacement sur les lieux tôt ce matin, a promis de s'exprimer là-dessus ce vendredi. Il faut une loi régissant le secteur du tourisme. D'après le directeur général du tourisme, dans un atelier organisé dans le but d'actualiser la politique nationale du développement du tourisme, Jacques Wigirimana a indiqué que maintenant, ce secteur qui devrait être un moteur de développement marche à reculons, faute de loi et de chevauchement, marche à reculons également, faute de financement. Il appelle le gouvernement à changer cette situation. Sans ces textes de loi, le tourisme n'a pas le pouvoir de collecter de l'argent, de faire entrer de l'argent pour le pays. Impossible. Il y a un chevauchement. Le travail qui devrait être confié au secteur du tourisme, souvent on voit d'autres services s'y mêler et collecter de l'argent à la place du tourisme, alors que c'était le secteur du tourisme qui devrait se charger de cela. Pourquoi ce chevauchement? C'est parce qu'il n'y a pas de texte légal pour donner pouvoir absolu à ce secteur. Ailleurs dans le monde, c'est un secteur qui existe de par ses productions, sa contribution au PIB de ces pays. Alors, pourquoi cela a été comme ça? C'est parce qu'il n'y avait pas de loi régissant le tourisme au Burundi. Le tourisme restera ce qu'il est aujourd'hui. Et il sera toujours en difficulté avec les autorités, croyant qu'ils sont défaillants alors qu'il est miné par l'absence de textes légaux pouvant lui donner le pouvoir de collecter de l'argent pour que ce soit un secteur générateur de revenus. Ici, je m'adresse à tout le monde qui m'entend et qui a le pouvoir de prendre des décisions en la matière. Que ces deux textes soient validés par les autorités pour donner la place au secteur du tourisme à jouer son vrai rôle de générateur de revenus pour le pays. Jacques Wigirimana, c'est le directeur général du tourisme. Et en bref, avant l'actualité internationale, échanger sur les expériences du passé traumatisant, c'est la meilleure façon de se libérer pour dépasser les blessures liées aux violences cycliques, a connu le Burundi. Propos de Marc Bukuru, chef du projet renforcement de la confiance entre Burundi Trust Building Program, dans un atelier organisé par le consortium ATCP, ADP et RJIC ce jeudi à l'intention des membres des associations des victimes des crises du passé. Selon lui, la réconciliation entre Burundi est possible, mais nécessite un long parcours. Actualité internationale. En actualité internationale, le pape François hospitalisé a passé une bonne nuit. L'Indonésie refuse la participation d'Israël et du coup la FIFA lui retire l'organisation du mondial des moins de 20 ans. Et en République démocratique du Congo, les rebelles du M23 ne se sont pas retirés au 30 mars comme prévu. Les détails avec Evariste Nzikobanyanga. À la date de l'échéance fixée pour le retrait total du mouvement rebelle du M23 en RDC, le jeudi 30 mars, le groupe était toujours visible dans une large partie de la province du Nord Kivu, dont elle a pris le contrôle en partie, rapporte RFI dans la feuille de route de sortie de crise visant à mettre fin aux hostilités avec la rébellion. Il y avait aussi un cessez-le-feu qui n'est pour l'instant pas appliqué et l'échéance de retrait est désormais impossible à tenir. Le pape François, 86 ans, hospitalisé mercredi 29 mars pour une infection respiratoire, a passé une nuit tranquille à l'hôpital Gemelli de Rome, on a appris ce jeudi matin de sources vaticanes. Les prochains rendez-vous du chef de l'Église catholique ont été annulés et le Vatican a indiqué qu'il resterait hospitalisé quelques jours pour soigner cette infection, rapporte l'agence France-Presse. Et la FIFA a retiré mercredi à l'Indonésie l'organisation de la prochaine Coupe du Monde masculine des moins de 20 ans en raison d'un imbroglio politique ayant empêché la tenue du tirage au sort. Un responsable du football indonésien avait lié cette décision à des propos du gouverneur de Bali s'opposant à la présence d'Israël durant cette compétition. Les deux pays n'entretiennent aucune relation diplomatique et Jakarta est un fervent soutien de la cause palestinienne. La Coupe du Monde des moins de 20 ans qui rassemble 24 équipes devait être le tournoi le plus important jamais organisé par l'archipel, accueilli par plusieurs villes du 20 mai au 11 juin. Israël y est qualifié pour la première fois. Évariste Nzikobanyanga, c'est sur ces nouvelles internationales que nous bouclons ce journal à 13h11 à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Alphonse Kugimana, la mise en onde. Au micro, Jean Bosco, Ndouimana, passez un très bon après-midi.